Comment, Christophe? Mes amis, je sais pas si vous le savez, mais ce soir, c'est l'élection de Monsieur France. Ah. Bien entendu, en tant que Monsieur Place de la Bastille, j'ai été appelé pour y participer. Mm-hmm. Alors, pour ce qui est des épreuves, c'est comme pour les morues de la semaine dernière. Qu'est-ce que je me suis marré pendant les répètes. Candidat numéro 5, Monsieur Bretagne. Beaucoup bonsoir, je m'appelle Loïc, j'habite à Brest. Dans la vie, je ramasse des orgues et des cailloux, Kenavo. Merci Loïc. Suivant, candidat numéro 10, Monsieur Corse. Bonsoir, je suis Angelo. J'aime le plastique et le risotto. Je suis le plus beau Corsica au bon bateau. Merci Angelo. Candidat numéro 32, Monsieur Propre. Ah, y a pas de Monsieur Propre, c'était une blague. Très drôle les gars. Numéro 51, Monsieur Bastille. Salut. Salut tout le monde, moi. C'est Helmut. Je suis Monsieur Bastille et je vous demande de voter pour moi pour plusieurs raisons. On dit de moi que j'ai l'intelligence du cougar, la vista du lynx et la musculature de l'iguane. Si vous me choisissez, je saurais faire passer mon sens des valeurs. Et c'est quoi votre sens des valeurs? Oh, c'est bien simple. Renforcer les rapports humains. Que les relations soient plus fraternelles entre les hommes et les femmes de bonne volonté. Qu'on arrête d'être distant. Qu'on n'hésite pas à tous se faire le mort, comme savent le faire les hyènes dans les steppes du Congo. Quand elles se croisent au point d'eau, quand le soleil se couche et quand se réveille la libido. Quand les conventions sociales s'envolent, telles des papillons moralisateurs qui jetteraient l'éponge pour laisser les passions s'enflammer, puis s'éteindre avec l'arrivée de la lune. C'est très beau ce que vous venez de dire, Monsieur Bastille. Merci beaucoup. Voilà, mes amis, voilà mon Christophe. Bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour que je gagne ce soir et que demain matin, je me réveille un nouvel homme. Bon, je vous laisse. Je vais me passer de l'huile de schnapps sur le corps pour faire briller ma musculature imposante et mon appareil génital de mouflon. Auf Wiedersehen.